études de médecine, classification, conduite thérapeutique, évolution et complication, et enfin conclusion. Donc, comme vous savez, le bassin est formé d'un anneau. Ça rappelle l'anneau pelvien. L'anneau pelvien est formé par trois anneaux. L'os coxal droit, l'os coxal gauche et le sacrum, qui sont liés en avant pas, en arrière pas, sacroiliaire. Donc, il permet de transmettre le poids du tronc, le biais de cet anneau vers les membres inférieurs par le biais des articulations coxo-fémorales, articulation de la hanche. Cette articulation donc de la hanche, elle permet de faire passer le poids du tronc vers les membres inférieurs. Donc tous les membres, droit, gauche, supérieur et inférieur, ce sont des énarthroses. Qu'est-ce que vous avez des énarthroses? C'est une articulation sphérique avec une cupule qui permet une mobilité dans les trois plans. Donc, abduction, abduction, flexion, extension, rotation externe, pour déchirer les genoux, rotation externe, rotation interne et circonvolution, c'est un mouvement circulaire. Donc, elle permet des mouvements dans les trois plans, que ce soit l'épaule ou la hanche. On a dit donc que c'est un mouvement bien. Il soutient le poids du corps, du tronc, le transmet au membre et protège les viscères du pelvis et de l'abdomen. Il supporte et qui protège. Il y a des gros troncs, la haute et la deuxième égale, les voies excrétrices urinaires et le reste des viscères. Ça veut dire l'intestin grêle et donc on n'est pas les. Donc le bassin est une structure annulaire composée de trois os, le sacrum, les deux céphéliens, le pleuroïdien. Donc ils sont délignés en avant par le synovus pubien, en arrière par le synovus pubien, qui sont délignés. Donc il permet de transmettre le poids du tronc au membre inférieur par le biais des articulations de la hanche ou articulation torso-fémorale et de contenir et de protéger les viscères de l'abdomen, les gros organes urogénitaux et les gros troncs vasculaires. C'est un anneau pelvien, on va aborder rapidement donc l'os iliaque, le l'os coxal. Donc l'os iliaque est formé par deux pannes, on dirait une hélice. Une hélice d'un ventilateur ou d'un avion, à deux pannes. La part supérieure, c'est l'iliaque. La part inférieure, elle contient le pubis et l'ischion. Et les branches qui le réunissent. D'accord. Entre ces deux segments, ces deux pannes, et creuser une cavité articulaire, c'est l'articulation de la hanche. D'accord. Donc, anatomiquement, cette os iliaque est formée par trois points d'ossification, qui donnent trois segments bien différenciés. Vers le haut, c'est l'ilion. En arrière, c'est l'ischion. En avant, c'est le pubis. Donc, vers le bas, ces deux structures, le pubis et l'ischion, vont former un trou. Donc, c'est le trou obturateur. Donc, l'iliaque, en haut, large et aplati, disposé dans un fond sagittal, et vers le bas, une partie intérieure percée d'un trou, c'est le trou obturateur, constitué par le squelette du pubis. L'os iliaque est constitué par l'union de trois centres d'ossification, l'ilion, l'ischion et le pubis. Donc, à l'union des dents qu'on a vu, à l'union de ces trois points, c'est l'articulation coxo-fémorale dans la surface articulaire en croissant. Donc, la partie qui est pleine de cartilage articulaire, elle forme un croissant et le fond n'est pas recouvert de cartilage, donc c'est des arrière-fronts à travers lesquels émerge le ligament grand. Le ligament grand, donc il émerge ici au centre et vient s'insérer sur la tête fémorale. Donc c'est un élément de stabilité et de inouïssime. Donc ce ligament s'importe vaisseau. Donc il y a un vaisseau qui passe au centre de la tête à travers ce ligament. Chose qu'il faut retenir, les deux parties supérieures et inférieures ne sont pas dans un seul plan. C'est pas un seul plan. Celle-là, donc l'iliaque, est dans un plan sagittal, la partie inférieure est plus ou moins frontale. C'est pour ça, quand on fait des radios, on ne peut pas voir tout dans le signal. Donc, il faut faire des dépanneurs. Des radios de 3 quarts, 3 quarts à l'air, donc elle permet d'étaler les médias et de voir tous les médias. 3 quarts obturateur, qui permet donc d'effacer les médias et d'étaler le cadre obturateur. 3 quarts à l'air, 3 quarts obturateur. On va donc passer de la loupe hernienne qui supporte, transmet le poids du corps, qui protège les viscères, à l'aile médiane, plutôt à l'os transal, c'est mon principal, qui forme pas de profond. Maintenant, on va étudier l'articulation elle-même, le cotyle. Donc, le cotyle, ou l'acetabulum, donc, présente une partie articulaire au plan de cheval et une partie non articulaire au centre, c'est la réaction cotyloïdienne, dont l'insertion au ligament grand, donc attache de la tête sur le moindre. Cette cavité cotyloïde, donc, est entourée par des proéminences osseuses. Donc, le chef est creusé, il y a des proéminences, des saillies osseuses. Vers le haut, c'est le toit, c'est le toit du cotyle. En avant, c'est la paroi antérieure. En arrière, c'est la paroi osseuse. C'est celle-là qui est le plus souvent sujette aux fractures. C'est d'être la plus proéminente. Donc, on dit classiquement et donc, classiquement, selon le type de fracture, on a trouvé que l'os iliaque est divisé en deux colonnes. Une colonne antérieure et une colonne postérieure. Voilà, une colonne antérieure ilio-pubienne et une colonne postérieure ilio-ischiatique. Donc cette articulation, c'est une énarthrose qui permet on a des mouvements dans tous les sens, abduction, flexion, extension, rotation interne, rotation externe et circonduction. C'est une articulation portante. Portante donc, elle porte un poids. Ce n'est pas comme l'épaule qui ne porte pas le poids. L'épaule, c'est une, on peut dire, balance. D'accord? Par contre, les articulations portantes, c'est des articulations qui supportent le poids, comme la hanche, le genou, la cheville, d'accord. Donc, le fait qu'elle est portante, donc elle subit beaucoup de contraintes. Le poids du corps et la réaction du sol, lorsqu'on marche ou du saut, donc cette articulation va supporter bon poids, puis la réaction du sol. Donc, deux forces à sens opposé qui vont faire que cette articulation soit instable. D'autant plus qu'elle n'est pas couverte de façon complète. Pour stabiliser cette hanche, il y a des structures anatomiques, donc l'élément capsule ligamentaire et l'élément musculaire. Donc, pour stabiliser les éléments capsule ligamentaire, c'est la capsule avec les ligaments proximaux, antérieurs et postérieurs, qui ont une forme particulière, donc spiralée. Donc, on a le capsule, la capsule, la branche, le ligament grand, le ligament transverse et le ligament proximaux. Ligament grand, voilà, qui s'insère dans la tête, une première du l'arrêt de fond, le ligament transverse de l'acetabulum, qui est une des corps de croissance quotidienne, et le ligament coxo-féboraux antérieur et aussi. Et les éléments musculaires, en avant, cette articulation, il y a l'os psoas, le muscle psoas iliaque, donc iliaque, et psoas iliaque, qui se réunissent vers par à la fin de ce canton, et qui recouvre la partie antérieure de l'articulation de la hanche. En arrière, on a les pédipropontaines, qui viennent du pénis vers le contrôle. C'est des rotations externes et qui permettent de recouvrir donc, cette articulation en arrière de la stabilité. Et on a les muscles fessiers, les trois muscles fessiers, le grand, le moyen et le petit, qui viennent recouvrir tous ces muscles qui participent à la stabilité de cette hanche. Voilà l'exemple de l'arthrose, de l'arthrose. Donc sphérique avec une tête sphérique et une cupule qui permet l'immobilité dans tous les sens. Pas de question pour le moment. Donc préférer la pose, l'articulation de la tête sphérique, et maintenant, si on contrôle le mouvement en tous les sens. Donc ici on va voir les éléments de la tête sphérique. Pas en postérieur, pas en postérieur, et ici une vue scalographique tridimensionnelle du bassin. Physiopathe ou mécanisme pathologique. Donc, pour qu'il y ait fracture de cette os torsale, c'est un os dur. L'os plat est compact, il est très dur. Il est bien protégé par ses muscles. Donc il conflit entre les membres de l'abdomen. Pour qu'il se passe, il faut qu'il y ait un traumatisme à haute énergie. Soit chute d'un ULD, soit accident de la voie publique, soit accident de la circulation. D'accord? Trois mécanismes principaux. Et donc tout ça, il faut savoir que l'agent du néon qui vient casser le cotinique ou l'oscoxal, c'est la tête humorale. C'est la tête humorale qui vient casser l'os, des fois s'impacter en dedans. Occlusion, subduction en arrière et casser un fragment postérieur ou antérieur. Donc l'agent numéro 1, c'est la tête frontale. Premier mécanisme, c'est la tête de fort. Donc en général, c'est l'accident de la circulation. Le chauffeur est assis en position, assis, donc il conduit. Le tableau de bord lors d'un choc frontal vient buter entre le genou. Cette force sera transmise par la tête frontale vers la hanche. Ensuite, cette tête fémorale vient se luxer en arrière et casser la paroi postérieure, même l'os coxal. Donc, choc transmis. Selon l'âge de la pépise, il vient luxer la tête et casser la paroi postérieure. C'est le mécanisme de luxe. Deuxième mécanisme, choc dans l'axe du corps. Choc contre le grand tronc. Un choc latéral, une chute de 2 mètres ou 3 mètres, qui reçoit donc le sol directement sur le contrôle, ce choc sera transmis par le col dans la tête et provoque une fracture. Le troisième mécanisme, c'est chute d'un ULD. Donc, ici, mécanisme dans l'axe du fémur, mécanisme dans l'axe du col, ici par ces aliments. Donc, force opposée, poids du corps et réaction du sol qui font que. Il y aura une chute d'un ULD, une chute du bras, par exemple, un fossé, je ne vois pas le fossé, je ne sais pas. Un sujet âgé, donc, peut provoquer une fracture du cotyle par. Il faut savoir, pour, en général, une fracture du cotyle, une fracture du bassin, ce fait, on a dit, nécessite un traumatisme à haute énergie. Que le patient peut le ramener dans un état de choc ou dans un cadre de polytraumatisme. D'accord? C'est en général des malades cardiaques qui vont en général réanimer, voir s'il y a un choc hémorragique, stabiliser le patient, puis on recherche, puis on commence à traiter la fracture du bassin. Clinique. Donc en général, si le patient est conscient, donc on peut l'examiner, on peut l'interroger. Ce qui se présente souvent dans un état de choc, dans une situation chirurgicale, et un saignement, et un probablement un hématome, des fois une fuite de l'ulcère abdominal, qui vient avec un entrave d'urgence abdominale, une fuite de l'ulcère, rupture des voies excentriques urinaires, éclatement de vessie. En général, c'est un état de choc hypojugulaire. Si le patient est conscient et plus ou moins stable, le patient va se plaindre de douleur de la hanche et d'aspirer symptomatiquement. Donc, attitude vicieuse, contraction externe et raccourcissement du mouvement. Il y a une luxation, donc il y a une ascension du fémur, ce qui fait qu'il y aura un membre plus long que l'autre. Donc, raccourcissement du mouvement. Et rotation externe. Et mobilité du membre va provoquer une douleur. Donc la douleur de la hanche attire l'attention. Cette douleur est réveillée par la mobilisation du membre. Celui-ci peut être déformé, plus court en cas de luxation. Luxation, c'est une perte de rapport anatomique entre les deux surfaces articulaires de façon permanente. D'accord? Donc il n'y a plus de contact entre les deux surfaces articulaires. C'est ça la luxation. Ou en cas de protrusion acétabulaire. Protrusion acétabulaire, donc la tête qui est en prison dans le bassin. Elle casse le costille et rentre en plein bassin, plein pelvis. C'est une addiction très grave parce que en pénétrant, elle peut comprimer, elle peut rendre les éléments dans le bassin dans les vaisseaux et rendre son fils, voire le fils sacré. Il faut rechercher d'emblée des complications en adulte, des complications viscérales, pelviennes, toujours possible, des entretiennent le choc, complications vasculaires, une pure compression hématome, et reprendre l'ordre des deux artères. Complications donc, urinaires, rupture des urtères et éclatement des vessies qui sont possibles, et complications neurologiques. Elles se voient surtout en cas de luxation postérieure, parce que on a ça dans le corps. Donc cette hanche passe en arrière, vient comprimer les assiettes. L'assiette qui émerge de la bande des cheveux de cette qui émerge ici, qui va être en contact intime avec la paroi postérieure. Donc toute fixation postérieure fait que cette tête vient comprimer et blesser les assiettes. Les objets classiques très fréquents sont très fréquents. La radiologie, c'est celle qui permet de faire le diagnostic. On a des éléments de fonction qui font écouter la radiologie, les personnes, se débattent en fonction de la radiologie. Et c'est la radio qui permet de montrer la température et de poser le diagnostic. Il y a des radiographies. Il y a la radiologie. Les radiographies et notre exploration plus avancée, à savoir l'écho, la TDM, l'IRM. Bonjour, scalaire en cas de suspicion de l'isolation. Mais classiquement, on commence par la radiographie simple. 3 clichés sont suffisants en général, 4 clichés. Un bassin de face qui va nous montrer l'aspect général des articulations coxéconvulses fémorales et du lanos pelvien. Une hanche malade de face et des incidences en oblique à 45 parce que le bassin n'est pas dans un seul point. Un plan sagittal est confrontal, donc il faut dérouler le bassin pour voir ses structures. Ça, lorsque le patient est stable et ne présente pas d'état de choc. Quand il y a un état de choc, on ne va pas prendre le temps de faire des radiographies. D'accord, le 3K, le patient souffre, il y a un état de choc, il est en train de maintenir. Non, il faut donc faire un scanner pour le patient. Un bassin de face, franchement, la petite face, 3K. Et effacer les lumières. Ce 3K obturateur va surtout nous montrer le bord postérieur de la paroi postérieure. D'accord ? Et le bord antérieur de notre bassin. Donc, paroi antérieure et paroi postérieure. D'accord ? 3K obturateur. 3K comme son nom l'indique, il va épanouir les lumières. D'accord ? Il va montrer toute fracture de cette partie supérieure. Et il va effacer le cadre, on va plus voir le trou de l'obturateur. Les supports croisés. Le pubis se superpose à l'esprit. Donc on va plus voir, on va juste voir la ligale. Il va nous montrer le bord antérieur de la paroi antérieure et le bord postérieur de l'os dorsal ou la colonne postérieure. Donc c'est l'inverse. Ici des exemples de fracture. Ici, une hanche avec une fracture transversale en hanche placée, et deux ici, avec un petit triangle du pubis. Donc là, il faut faire un scanner pour voir les éléments principaux à la recherche de fragments particulières. Donc le scanner donne une idée plus précise sur le point de fracture. Ici, fracture de luxation. Toujours, en cas de luxation avec une fracture de la paroi, il y a un pavé qui vient coiffer la tête. Ce n'est pas comme on dit, du facteur de la paroi postérieure. La tête est passée en arrière et a cassé la paroi postérieure. Donc la tête est passée en arrière et elle a cassé la paroi postérieure. Cette paroi postérieure, ce fragment, qui reste attaché par des éléments capsulaires, vient coiffer la tête. La tête a quitté le côté. Donc perte des rapports anatomiques, les surfaces articulaires, permanentes. Ici, il y a une protrusion. La tête a pénétré dans le pubis. ligament inférieur dépassant du tendon avec cette partie aiguisée, ce biseau, qui vient menacer les contractions vasculaires, qui peut provoquer une rupture des artères ou des voies excretrices. C'est très dangereux. Ici, une luxation pure, donc perdre un bord anatomique sur la sacrée de la hanche, donc il est. Le scanner, donc indispensable en général si le patient est inconscient ou s'il est un sujet polytraumatisé, donc pour faire vite, c'est le nom de le scanner qui permet de faire une coupe horizontale et une coupe sagittale et une reconstruction 3D. Ici, on voit la paroi osseuse qui s'est détachée, donc qui s'est déplacée en arrière. Le scanner, donc, permet de voir le nombre de fragments, le degré de déplacement. Et surtout recherche des éléments associés à sa part partout de la tête et les fragments intra-articulaires qu'il faut enlever et permet de quantifier le dépassement de la tête. La classification de Julia du domaine, c'est une classification universelle et très simple. Par les fractures en deux groupes, fracture simple, fracture complexe. Fracture simple, ça veut dire en général un seul trait. D'accord. Un seul trait qui va séparer deux segments. D'accord. Ici, sur un segment diaphyseal. Fracture complexe, donc en général, plus de trois fragments. D'accord. On va prendre encore plus. Fracture transversale, fracture de la colonne postérieure et fracture de la paroi antérieure. Pour les fractures complexes, en général, c'est des associations de plusieurs types de fractures, bicolonne, fracture hantée, colonne, c'est-à-dire la colonne antérieure et paroi postérieure, colonne postérieure et paroi postérieure, transversale et paroi postérieure, colonne antérieure et une transverse aussi. Donc, fracture simple, donc fracture humide, touchant par la postérieure, transversale, corps antérieure, colonne postérieure et paroi antérieure. Paroi postérieure, colonne postérieure, transversale, colonne antérieure et paroi antérieure. Fracture complexe, association de plusieurs fractures simples. Et c'est le type le plus fréquent, il faut le retenir. Donc, on dit colonne et paroi postérieure, transversale et paroi postérieure, hantée, colonne antérieure et transverse postérieure, et bicolonne. Les fractures parcellaires gyrotransversales, donc c'est des fractures extra-articulaires en général, on ne prend pas partie des fractures fossiles, mais fractures gyrotransversales, fractures bilinéaires antérieures. Fracture supérieure, fracture linéaire contièrement inférieure, fracture supérieure, contièrement inférieure, branche ilio-pubienne, donc pubis ilion, branche ilio-pubienne, branche ischio-pubienne, d'accord. L'ischion, arrachement de l'ischion, rétinial, c'est une fracture parcellaire, en général, qui sont simples, qui ne nécessitent pas de. Monsieur, s'il vous plaît, la chaise, non, contrôlez-moi. Donc, rétinale, bilinéale, contour inférieur, contour supérieur, contour inférieur, la branche ischio-pubienne, ischion, la branche ilio-pubienne, c'est des fractures parcellaires. Comment on prend fracture de la paroi postérieure, donc voici, sur une coupe horizontale, voici la paroi postérieure qui s'est détachée. La tête est assez en bas, c'est des fragments intra-articulaires qui sont enlevés, sinon ils vont faire la macération, c'est pour une raideur ou deux, mais après c'est pas plus. Pour nettoyer l'articulation, remettre le fragment et mettre le tissu sous le plâtre. Ici, fracture de la colonne antérieure, c'est pour une raideur de tissu. D'accord, voilà. transversale. Donc transversale, c'est qu'on peut continuer en deux, en deux segments. Ici, le volume transversal, ici, le volume transversal. Ici, le volume pendant le volume transversal. Partir des deux colonnes. Donc les deux colonnes sont touchées. C'est pas colonne antérieure ou colonne transversale. Partir paroi transversale. Et par mon conseil. Alors, pour servir, je vais détacher en passant par l'index. La prise en charge. La prise en charge est complexe. Donc, V, il y a plusieurs critères qui font que cette prise en charge doit être utilisée. Donc, c'est l'âge du patient, le degré de la patient et la compétence en particulier. C'est l'élément de l'âge, l'impact sur la confiance, par des aides de type de prise en charge chirurgicale ou orthopédique. L'âge est plus âgé, avec un os, une articulation déjà raide, on ne va pas mettre une synthèse. Il faut donc penser à changer cette articulation qui est une pointe de roche. Donc l'impaction, donc, il y a en général une production, là il faut une réduction préalable. Soit par manœuvre externe, action, ou chirurgicale par assez douleur. On ouvre l'articulation et la confluence articulaire, c'est l'adaptation des muscles par articulaire. C'est ça, tout ça, et réduction chirurgicale. Une action, la confluence et l'âge du patient, donc c'est l'état articulaire, tout ça va conditionner le type de traitement qu'on a. Donc, quand il n'y a pas d'impact sur congruence correcte, comme ici, le transversal stable, donc l'articulation congruente, il n'y a pas d'impact sur la plupart, et les pédis, sujet jeune, donc on peut faire un traitement orthopédique, action mobilisation de force, action transmembrilaire avec suspension, permet de mobilisation. Mobilisation va donc éviter la douleur et remodeler les surfaces articulaires et peut-être une concentration. Plus la traction permet de soulager la douleur et permet la cicatrisation des éléments capsulopigmentaires. Donc, quand il y a une extraction et une descongruence, donc c'est la chirurgie. Ici, ça se transmet ça avec une extraction, une extraction avec incongruence, c'est la pitié et le motif. Un sujet âgé, il faut donc remplacer cette articulation. Donc, ils ont mis une plaque en V. Et aussi le combat en cure rénalie. Et nous allons remplacer le matériel fémoral. Si je suis jeune, on peut mettre des plaques Vivis sur rondelle. Si c'est une plaque de Chaman, c'est une plaque malléable qui pousse la forme de l'os proxal qui permet de stabiliser. Donc, chirurgie obligatoire, transfert transversal de référence, chirurgie pétillage d'emblée, c'est tout déféré chez le sujet âgé. Les complications, donc l'évolution de la tournure en général, attribue par 5 ans sur le tour 2 en moins. D'accord ? Si on a fait un traitement chirurgical, ça sera plus rapide. Traitement fonctionnel, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, les complications immédiates, il faut redouter, c'est la paralysie du nerf sciatique. En général, ce point en adulte, après. Des aides. Bon, pousser le bassin, on stabilise le bassin contre le sol et le chirurgien tire dans l'axe du fémur pour faire revenir cette tête qui est annoncée en arrière. Bon. Ici c'est pensé, ici c'est antérieur, ça ne compare pas encore, luxation possible. Le patient est remis donc sur le dos, les aides vont stabiliser l'aile iliaque et le chirurgien va tirer pour remettre la hanche. Alors, il faut toujours rechercher une lésion de nerf sciatique. Le nerf sciatique est composé par deux. Le nerf sciatique est composé par. Est-ce que c'est une mobilité interne, c'est une mobilité externe. Le sciatique est composé. TXM, d'accord, il permet l'extension du clic à il est perdu sous extenseur, donc ici qui sont SRE sur l'argent, on va pas prendre l'accès à l'argent, il permet de faire l'extension du clic d'un chapitre. On peut le parler ici. Donc on a le petit tampon, c'est le cépage, mais pas ce que marche, donc on traîne dans le clic. Il a une insensibilité au niveau de la phase antérieure de la jambe et la phase dorsale du pied. En cas de paralysie du SPI, c'est un petit interne. Donc on a paralysé une sous-postérieure. Donc une passion de creux sans déchirer. Donc le pied et les antennes. D'accord. Insensibilité à la plante du pied et la phase postérieure de la jambe. C'est ça les deux choses. Donc la sensibilité ici, bon, on passe. Oui, au niveau du peu pour quitter la sous-divisée. Une partie va continuer le trajet en postérieur sur le SPI, une partie elle cravate le col du peroné. Voici la tête du peroné, cette saillie. Il vient la cravater, passer dans la langue entière. Donc, luxation postérieure, c'est la tête du SPI. Lésion vasculaire, du bâton et copéneuroniale. Les vasculaires, choc hémorragique. Tout ça, c'est ce se passe dans le diminuant qu'il faut jubiler. Donc, il va prendre ses déchets abdominales, s'il y a une rupture de viscère, s'il y a une rupture vasculaire, il faut prévenir donc les trois pédicules de chirurgie et les vasculaires. Donc, d'abord, réparer ces éléments abdominaux, puis, les abdominaux vont passer à stabiliser leur dorsale, sauf s'il y a une fixation sur le torse. Voilà, telle la partie. Lésion des tissus mous, donc, voire extrémité. Hein, voici les deux mains, les deux orteils. La vessie, d'accord, tube digestif et les colons séreux et monophatiques. Les colons séreux et monophatiques, c'est un type de colons en perte de confort. Donc, vient de nous indiquer ce que c'est. Donc, tout ça, c'est des complications qui peuvent se voir le jour même de l'accident. Les complications secondaires, donc, on a la raideur articulaire de la hanche, parce que c'est une articulation importante. Le cartilage, même si c'est une fracture qui n'est pas déplacée, donc il y a toujours une blessure du cartilage. Le cartilage, une fois touché, donc la cicatrisation ne va pas générer le cartilage. Il y aura un cartilage avec des rayures. On peut dire des rayures, ces rayures vont provoquer une raideur douloureuse de la hanche. D'accord ? Lorsque l'on écrase de la tête femorale, il est toujours possible de céder une luxation. Voici donc. Attaxé complexe antérieur et postérieur, c'est sûr de la postérieure, c'est des éléments. Donc cette partie complexe postérieure, c'est elle qui permet principalement d'irriguer la tête femorale. Donc s'il y a une luxation, il y a forcément une rupture de cette artère. Donc qui fait cette tête de cette vascularisation et risque d'ostéonécrose. Une tête qui n'est pas irriguée donc, de façon correcte, risque donc de se nécroser secondairement en général pour 6 mois. Donc, perte de la spécificité, elle va se passer lors de mi-amorce, il va se passer, il ne va plus avoir cette fonction donc, naturelle du discoïde et il va générer rapidement la crosse. D'accord. Ici, c'est le début de la crosse, ici, perte de la spécificité avec le début de la crosse. La crosse, en elle-même, dans le post-traumatique, qui guette une fracture de mortier, surtout si la compétence articulaire est défectueuse. Surtout s'il y a un cas de blessure articulaire, donc il y a une marge de l'escalier par exemple. Voici le côté sur le bras, sur le cou. Donc côté tête fémorale, s'il y a une fracture, donc avec incongruence, et les marges d'escalier, donc ce n'est pas incongruent dans la tête là. Donc tout ça va générer la crosse. Incongruence va générer la crosse. Description du cartilage, la condition correspondante du cartilage de l'arbre, c'est quoi? Cartilage biologique de la fosse, osteophyte, pince musculaire, osteocondensation, et quatrièmement, des géodes. Le pincement articulaire ici, il n'y a pas de pincement ici, mais là c'est soudé. C'est, l'image de la personne, c'est le cartilage, les radios transparents. deux fois et il aurait disparu ici, dans cette forme. Vert, pincé. Os contre os, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus d'espace transparent de cartilage. Dans cette compensation, l'os tellement ici est propre, dur, va réagir, va se protéger, va se compenser. Cette osteocompensation va être sujet aussi à des trous. C'est le géode. Et les osteoblastes, c'est des repousses osseuses sur les berges. Donc, ils se rencontrent pour calcification des capsules, la capsule et une souffrance osseuse. Donc, tout ça fait que cette arthrose pourrait être présentée à, en général, en plastique pratique, pour tester autant de berges. بارك الله فيك كان عجبو بزاف منا واش غادني سيكون نورمال تبعو